Rodrigo, l'amour n'est qu'une débauche du sang et une concession de la volonté. Allons, sois un homme, te noyer, toi. On noie les chats et leur porter aveugle. J'ai fait profession d'être ton ami, et je m'avoue attaché à ton service par des câbles d'une ténacité durable. Or, je ne pourrai jamais t'assister plus utilement qu'à présent. Mets de l'argent dans ta bourse, suis l'expédition, altère ta physionomie par une barbe usurpée. Je le répète, mets de l'argent dans ta bourse. Il est impossible que Desdemona conserve longtemps son amour pour le mort. Mets de l'argent dans ta bourse. Et le mort, son amour pour elle. Le début a été violent. La séparation sera à l'avenant, tu verras. Surtout, mets de l'argent dans ta bourse. Ces morts ont la volonté changeante. Remplis bien ta bourse. La nourriture, qui maintenant est pour lui aussi savoureuse qu'une grappe d'acacia, lui sera bientôt aussi amère que la coloquinte. Quant à elle, si jeune, il faut bien qu'elle change. Dès qu'elle se sera rassasiée de ce corps-là, elle reconnaîtra l'erreur de son choix. Il faut bien qu'elle change. Il le faut. Par conséquent, mets de l'argent dans ta bourse. Si tu dois absolument te damner, trouve un moyen plus délicat que de te noyer. Réunis tout l'argent que tu pourras. Si la sainteté d'un serment fragile, échangé entre un aventurier barbare et une rusée vénitienne, n'est pas chose trop dure pour mon génie et pour toute la tribu de l'enfer, tu jouiras de cette femme. Aussi, trouve de l'argent. Peste soit de la noyade. Elle est bien loin de ton chemin. Cherche plutôt à te faire pendre après ta jouissance obtenue qu'à aller te noyer avant. Te dévoueras-tu à mes espérances si je me rattache à cette solution? Tu es sûr de moi, Rodrigo. Va, trouve de l'argent. Je te l'ai dit souvent et je te le redis. Je hais le mort. Mes griefs m'emplissent le cœur. Tes raisons ne sont pas moindres. Liguons-nous pour nous venger de lui. Si tu peux le faire cocu, tu te donneras un plaisir, et à moi, une récréation. Il y a dans la matrice du temps bien des événements dont il va accoucher. En campagne, va, munis-toi d'argent. Demain, nous reparlerons de ceci. Adieu. Où nous reverrons-nous dans la matinée? À mon logis. Je serai chez toi de bonne heure. Bon, adieu. M'entendez-vous bien, Rodrigo? Que dites-vous? Plus de noyade, entendez-vous? Je suis changé. Je vais vendre toutes mes terres. Bon, adieu, Rodrigo. Remplissez bien votre bourse. Rodrigo sort. Voilà comment je fais toujours ma bourse de ma dupe. Comme ce serait profaner le trésor de mon expérience que de dépenser mon temps avec une pareille bécasse sans en retirer plaisir et profit. Je hais le mort. On croit, de par le monde, qu'il a, entre mes draps, rempli mon office d'époux. J'ignore si c'est vrai. Mais moi, sur un simple soupçon de ce genre, j'agirai comme sur la certitude. Il fait cas de moi. Je n'en agirai que mieux sur lui, pour ce que je veux. Cassio est un homme convenable. Voyons maintenant. Obtenir sa place et donner pleine envergure à ma vengeance. Coup double. Comment? Voyons. Au bout de quelque temps, faire croire à Othello que Cassio est trop familier avec sa femme. Cassio a une personne des manières caressantes qui prête tout soupçon. Il est bâti pour rendre les femmes infidèles. Le mort est une nature franche et ouverte qui croit honnête les gens, pour peu qu'ils le paraissent. Il se laisse ramener par le nez aussi docilement qu'un âne. Je tiens le plan, il est conçu. Il faut que l'enfer et la nuit produisent à la lumière du monde ce monstrueux embryon.